une taille nous étonne, et son petit fait bien 8 ans. Si tu étais une baleine bleue, je crois que je t'aimerais tout autant. Dans mon petit canot courageux, je m'en irais te brosser les flancs. Toi, tu me ferais les 12 yeux en souriant de toutes tes dents. Mais si j'étais une baleine bleue, les japonais dans leur bateau viendraient me couper en morceaux. Je protesterais sur mon canot. Ça ferait juste un homme dans mes flancs. Pas facile d'être une baleine. Si tu étais 30 éléphants, je crois que je t'aimerais tout autant. Je m'en irais tout seul dans la brousse, barrir comme toi sous la lune rousse. Nous mangerions des noix de coco sur les bords du fleuve, les popos. Mais si j'étais 30 éléphants, probablement les braconniers voudraient m'arracher mon dentier. Je saurais bien m'interposer. Et tu te ferais sûrement tapasser. Pas facile d'être 30 éléphants. Je crois que je serais amoureux. Je t'emmènerais loin de tes grilles, dans ces arbres vertigineux, aux longues branches qui oscillent. C'est sûr que nous serions heureux. Mais si j'étais tout ségoré, les chaussures me feraient la peau pour me piquer mes oreilles. T'en fais pas, tu seras défendu. Et tu prendrais une balle perdue. Pas facile d'être mis. $33,939,117. Papillon, s'ils venaient tous à la maison, voilà qui ferait de l'animation. Si t'étais tous ces papillons, nous mènerions une drôle de vie. Je t'offrirais des fleurs par millions, tant de nectar, tu serais ravi. C'est sûr, je me poserais des questions, mais je crois que je t'aimerais aussi. Mais si j'étais ces papillons, les pesticides, la pollution de ma santé auraient raison. Je porterais plainte au tribunal. Contre les multinationales, non, pas facile d'être papillon. Si nous étions des baleines bleues, c'est pas sûr que nous serions heureux. Nous étions des baleines bleues, c'est pas sûr que nous serions heureux, c'est pas sûr que nous serions heureux.